Donc je connais la fin de cette aventure. Je ne sais pas toujours par quel chemin je vais arriver à cette fin. Donc ça bouge. Voilà, ça bouge. Je ne connais pas le détail des péripéties, mais je sais toujours où on va. Et pour tout dire, avec Didier, on est déjà en train de réfléchir au cycle suivant et à l'histoire suivante. Voilà, voilà. Ah bon? Ben je me tourne vers lui justement, vers le dessinateur Didier Tarquin. Est-ce que c'est facile de travailler comme ça, à la fois, c'est vrai, avec une ligne que l'on peut suivre, mais avec des changements qui peuvent intervenir comme ça un peu? En ce qui me concerne, c'est même indispensable. Ouais. Ça me permet d'avoir toujours un minimum de spontanéité. Je découvre des choses, même si on connaît, comme l'a dit Alestone, la direction, si on sait où va nous mener l'histoire. J'ai quand même besoin de la découvrir au fur et à mesure. Il faut briser une routine parfois. Ah mais on est un vieux couple, donc oui, fatalement. Oui, c'est vrai que vous vous connaissez depuis longtemps. Mais c'est important finalement de se surprendre. Comme je disais, c'est indispensable, hein, en tout cas en ce qui nous concerne. Parce que même lui, de son côté, s'il connaît l'histoire, il a besoin d'être surpris par le dessin aussi. Et surprendre le lecteur. Je me dis qu'aujourd'hui, je ne suis pas auteur de scénario, encore moins d'heroic fantasy, mais je me dis qu'aujourd'hui, avec tout ce que le cinéma offre, ce que la télévision offre, ce que la littérature aussi offre dans ce domaine-là, est-ce qu'il n'est pas de plus en plus difficile de surprendre le lecteur? Oui, certainement, mais en même temps, l'avantage, aussi, le lecteur est de plus en plus exigeant, et c'est une excellente chose. On peut encore le surprendre beaucoup, parce que moi je suis un gros lecteur de romans, et je sais que le roman a toujours une grande, grande longueur d'avance, et il y a des tas de domaines vers lesquels j'aurais envie de me tourner, qui n'ont pas encore été explorés en bande dessinée. Mais la bande dessinée a l'avantage de pouvoir offrir ce grand spectacle que le cinéma n'a les moyens d'offrir qu'une ou deux fois par an. Il n'y a que Peter Jackson, Spielberg, James Cameron, des réalisateurs comme ça qui vont faire un film chaque année. Ils prennent du temps aussi. Ils prennent du temps, mais je veux dire, chaque année, un d'entre eux va faire un film, et il va y avoir deux, trois très grands spectacles dans l'année, tout simplement pour des questions de budget, des questions financières. Or là, ça coûte une feuille de papier, un crayon, un Tarquin. Donc, un Tarquin, ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, le Tarquin. Il donc est en solde. Donc tout ça est à notre portée. Attendez, soyons sérieux. Non, mais c'est vrai, il y a aussi des grands thèmes qui reviennent forcément. Est-ce que la bande dessinée, est-ce que l'heroic fantasy est pour vous aussi, parce que je pense aussi à d'autres auteurs, une occasion et une occasion rêvée de parler de nous, de notre société? Oui, c'est l'occasion de transposer des tas de choses dans ce qu'on peut avoir envie de dire. Pour moi, l'heroic fantasy n'a pas pour objectif de transmettre un message. J'ai jamais, en tant qu'auteur, je me suis jamais pris pour le facteur. Hein. Je suis pas là pour faire passer des messages. Mais quand, par hasard, en plus de la distraction, de l'entertainment que j'essaie d'amener au lecteur, je peux glisser des petites choses, des petits parallèles, soit pour faire rire, soit de temps en temps pour passer mes humeurs, tout simplement. Ouais. J'ai pas la prétention de faire réfléchir, mais il y a des choses qui m'énervent dans ce monde et j'aime bien lancer des petites piques de temps en temps. On parle d'un fameux axe du bien, par exemple, dans cet album, un petit moment. Oui, c'est ça, il y a des petites références et puis, à des choses comme voilà, ça. Et puis il y a aussi toute cette politique de l'eau, le trafic de l'eau. On parle beaucoup de l'eau, de notre eau qui est en danger, qui coûtera de plus en plus cher, qui va être de plus en plus rare si on la veut pure. Mais là aussi, forcément, chez les pâtes à sel, justement, il y a une espèce de trafic de l'eau comme ça, et ça commence, on commence dans le... Donc il y a quand même une réflexion, il y a quand même de temps en temps l'envie de faire passer des petites choses. Oui, c'est plus l'envie de faire partager, je dirais pas des grandes préoccupations, c'est quelque chose d'assez sournois. Moi, de ma part, je reste quand même, je reste sur l'idée que mes premiers lecteurs sont des enfants, malgré tout, et qu'on peut essayer de leur instiller, sans être pédagogique, mais leur instiller quand même quelques notions, une certaine vision des choses. Ouais. Au niveau du dessin aussi, je me dis que c'est une bande dessinée qui est destinée aux enfants, c'est-à-dire que c'est un dessin qui est très nerveux, terriblement enlevé, très cinématographique, et en même temps j'ai l'impression qu'aujourd'hui la série tend vers quelque chose. Je ne dévoilerai pas la fin, je le dirai pour une troisième fois. Le colonel Moutarde. En même temps, je me dis qu'à la fin de ce cinquième tome, les choses changent, il y a un ton qui est amené. Est-ce qu'il n'y a pas à un moment donné un danger entre le décalage, un danger de décalage entre le dessin justement et le ton qui pourrait évoluer, faire quelque chose de plus sérieux par exemple? Moi, je fais les choses comme je les sens. Ouais. Donc, je suis un interprète. Ce que je dis souvent, c'est que Alestone fait la partition et moi ensuite je suis un interprète. Ouais. Donc je fais les choses comme je les sens, comme n'importe quel interprète, je fais au mieux. J'essaie de coller. Mais de toute façon, l'Enfeust, ça a toujours été quelque chose graphiquement qui devait répondre à une charte qui était à la fois au niveau du scénario, entre l'humour, l'action, le drame, Alan First peut passer d'une scène extrêmement dramatique à une scène extrêmement humoristique, ouais. drôle. Donc mon dessin n'est pas vraiment très très figé en soi, il est capable de s'adapter, en tout cas je l'espère, à la demande du scénario. Mmh. Là sur la fin, j'ai voulu une fin un petit peu plus dramatique et pour la première fois je me suis tue, c'est-à-dire qu'on a fait une page entièrement muette, ouais. sans texte. La dernière planche est muette. La dernière planche est muette pour en faire une planche d'ambiance. Et Didier, en effet, a adapté son graphisme à cette ambiance un peu différente. On a voulu casser un peu le ton habituel pour amener quelque chose d'un peu différent. Mmh. Et alors qu'à d'autres moments de comédie pure, il peut dessiner l'enfeuste avec juste deux petits points pour les yeux, d'une façon très symbolique, ou des fois avec des bouches à la limite du manga dans l'ouverture de bouche. Ouais. Et à d'autres moments, finalement, être très réaliste. Mais ça reste toujours l'enfeuste, ça reste le même personnage. Et c'est cette élasticité, cette plasticité du personnage qui permet une gamme d'expressions et qui permet de travailler dans des directions très différentes. Quand on a parlé de surprise, on pense évidemment le scénariste va surprendre le dessinateur. Est-ce que le dessinateur vous surprend aussi? Parce qu'il y a toute une partie créative dans les décors, dans les personnages, dans tout l'univers finalement que vous imaginez et que lui met au monde finalement. Oui, Didier me surprend souvent. Alors maintenant, comme je sais qu'il va me surprendre, je lui lance des pistes, ouais. et après je le laisse faire. Ou même des fois, quand on a besoin d'un décor particulier, on en discute avant, et je lui dis vas-y, mets-moi en place le décor, et j'écrirai la scène après. Oui, ce qui lui permet en plus de garder pour lui aussi une fraîcheur. Il se retrouve des fois en position de lecteur, ouais. Sur l'enfeuste, alors que normalement un scénariste, malheureusement pour lui, ne peut vraiment jamais vraiment être lecteur de sa propre série, puisque il est en amont. Ouais, il sait tout. Mmh. Et là, forcément, là, voilà. vous lui renvoyez voilà, mais c'est un ping-pong, une espèce en de fait. Miroir comme voilà. ça. Ouais, exactement. Et en guise de surprise, il me rajoute de temps en temps des poules. Oui, exactement. Il y en a quelques-unes, certaines qui finissent mal d'ailleurs dans ce cinquième tome. La chevauchée des bactéries, c'est donc aux éditions Soleil. C'est le cinquième tome de cette série L'Enfeuse des étoiles. Et puis, bien sûr, l'aventure continue aussi ailleurs, sur le net. Il y a également tout un site. Et puis, à la revue, etc. C'est donc signé Arleston et Tarquin qu'on avait beaucoup de plaisir à recevoir dans Culture Club. Merci à tous les deux. Merci. À bientôt.